طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On va essayer ce qu'on disait hier dans les trois catégories de personnes par rapport au fahm al-nusus à la zahiriha. On a pris ceux qui le prennent un zahir yaliqu billahi azza wa jalla, ce sont les salaf, ahl sunnati wal jama'a. On a pris ceux qui prennent un zahir lakin ala wajh ghayr la'iq billah, ce sont les mushabbaha. On a pris qui les mu'attila. Donc au final, ils ont refusé des sifat et affirmé certaines en se basant sur leur aql, sur leur ukul. Donc là, ça veut dire que leur mizan, il était fasid. Car il n'y a pas de marji'a. Marji'una ma hu wa kitab wa sunnah. فقال بعد هذا مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، وأما السمع فمنه قول الله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها فيما يختص به من الذات أو وصف دليل على إرادة. مثلا ces gens-là, ils ont affirmé la sifat de l'irada, la volonté, et ils ont refusé celle de la rahma. Car ils ont dit que la sifat de l'irada s'accorde avec les textes et en même temps avec le aql. مثلا الله عز وجل dans le sens où il dit que Allah fait ce qu'il veut. Ils ont dit ce qu'il veut, voilà, irada. Et l'irada avec le aql, c'est que le fait qu'il y ait des différences dans les créatures, que certaines sont se caractérisent par des points et d'autres non, cela démontre que celui qui les a créés a une volonté. Il a voulu qu'un tel soit comme ça et un tel ne soit pas comme ça. وَنَفُوا الرَّحْمَا لِيَنَّهَا تَرْسَزِمُوا لَيْنَ الرَّحِمْ وَرِقَّتُهُ لِلْمَرْحُمْ وَهَذَا مَحَالٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَأَوَّلُوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. Donc la rahma, ils l'ont refusé. لماذا؟ Parce que pour eux, ça implique que le rahim, celui qui a la rahma, il a un penchant, il a une faiblesse par rapport à marhum, celui qui fait rahma. Ils disent que cela est impossible pour Allah Azza wa Jal. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un ta'wil des adilas sama'iyya, des textes qui parlent de la rahma, en disant que la rahma, ils l'ont interprété comme étant l'action. Et le rahim, pour eux, c'est celui qui accorde les bienfaits ou qui veut les bienfaits. D'accord ? Min ta'wilatihim. Wa naqul lahum ar-rahmatu thabitun lillahi ta'ala bil adillati al-sama'iyyati wa adillati thubut وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثلا الرحمن الرحيم. Donc justement les sifat de la rahma basées sur les adilat sama'iyya des textes sont bien plus nombreux que les adilat sur l'irada. مثلا الرحمن الرحيم وصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، que ton Seigneur est le pardonneur, celui qui possède la miséricorde. والفعل مثل يرحم من يشاء، qui fait miséricorde à qui il veut. ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تتراءى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. Et que le عقل justement également affirme cette rahma. Car on le voit, parmi les bienfaits accordés aux ibad, sur tous les points de vue. Tout ce qu'ils ont comme ni'am qui leur sont attribués, c'est les preuves de la rahma du Créateur. Ou les choses qui leur permettent de les préserver du mal, qui repoussent le mal, c'est les preuves de rahma sur eux. Et ces hadiths sont beaucoup plus clairs et plus flagrants que, مثلاً, ce qu'on a appris comme dalil du aql par rapport à l'irada, que Allah spécifiait ou caractérisait certaines créatures par rapport à d'autres. Bah, les adillets de la rahma par le aql sont encore plus flagrantes que celles-ci. Car tout le monde les voit. Alors que le tarsis, qu'Allah a caractérisé certaines créatures par rapport à d'autres, cela, c'est pas tout le monde qui le constate. C'est pas tout le monde qui le voit. Alors que celle de la rahma, c'est une chose que tout le monde voit. وَأَمَّا نَفِيُّهَا بِحُجَّةِ أَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ اللَّيْنَ وَرِقَّةَ فَجَوَابُهُ أَنَّ هَذِهِ الْحُجَّةَ لَوْ كَانَتْ مُسْتَقِيمَةً لَأَمْكَنَ نَفِيَ الْإِرَادَةَ بِمِثْلِهَا فَيُقَالُ الْإِرَادَةُ مِلْءُ الْمُرِيدِ إِلَى مَا يَرْجُوهُ مِنْ مَا يَرْجُو بِهِ حُصُولَ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعٍ مَضَرَّةٍ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ الْحَاجَةَ وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ. Donc la chose par laquelle eux ils ont fait un nafi de la rahma en disant que cela inclut yastalzim min zalika madha al-lain, que Allah il a un penchant, il a une faiblesse par rapport à la créature. Donc on dit si jamais cette hujja était mustaqima, était fiable et solide, et bon, pour utiliser également pour refuser al-irada. Car c'est quoi al-irada? C'est quelqu'un qui veut quelque chose, donc forcément il a un penchant vers la chose qu'il veut, il espère quelque chose, soit un bénéfice à en tirer ou un mal à repousser. Donc cela voudrait dire que Allah il a un besoin. Et ça, c'est impossible. Abadan. Allah ou al-Ghani. Fain ujiba bi anna hadhihi iradatun lil makhluq amkana al-jawab bi mithlihi fi ar-rahma bi anna ar-rahmata al-mustalzimata lin-naqsi hiya rahmatun lil makhluq. Et si ils disent que la irada qu'on vient de décrire est celle du makhluq, on dira, vous aussi, la rahma que vous avez définie est celle du makhluq. Kazalik. وبهذا تبين بطلان مذهب التعطيل سواء كان تعطيلا عاما او خاصا وبه علم ان طريق الاشاعره والماتريديه في اسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك تندفع به شبه المعتزله والجهميه وذلك من وجهين. Donc là on a vu justement par cela que le mazhab des mu'attila il est faux de façon générale ou spécifique. La façon de comprendre les choses, la voie qu'ils ont suivie, elle est fausse. Et elle est facilement réfutable. Et de là, on a su que la voie prise par les Asha'ira et les Maturidiya, dans les Asma et les Sifat d'Allah Azza wa Jal, ce qu'ils ont pris comme preuve pour pouvoir refuser, pour pouvoir réfuter les Jahmiya et les Mu'tazila, également irrécusable. Car comme tu le sais, les Asha'ira sont dans l'heure, même s'ils sont sur le faux, sont plus proches de la voie sur laquelle sont les gens de la sunna que Mathalen et Jahmiya, ainsi de suite. Ils sont tous à mal, mais certains leur mal est moins flagrant que d'autres. قال أحدهما أن الطريق مبتدع أنا الطريق المبتدع لم يكن علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وإمتها والبدعة لا تدفع بالبدعة ولا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. Donc on voit également la voie sur laquelle ils sont, c'est une voie qui est innovée, que le Nabi صلى الله عليه وسلم et les salaf et ses ashab n'étaient pas dessus, ainsi que les aïmma, et que la bid'a ne se repousse pas par la bid'a mais plutôt par la sunna. Yani comment ça que eux ils font passer leur aql, d'accord? Donc ça c'est le premier wajh. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نافوه عن الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نافوه على أهل السنة. Que par ce procédé, que les Mu'tazila et les Jahmiya peuvent également eux-mêmes réfuter les Asha'ira et les Maturidiya de la même façon que ces derniers ont voulu réfuter les gens de la Sunna. C'est-à-dire leurs arguments sont employables contre eux également. Ce qu'on appelle l'argument. Mais en fait, c'est des shubuhat. فَيَقُولُونَ لَقَدْ أَبَحْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ نَفِي مَا نَفَيْتُمْ مِنَ السِّفَاتِ بِمَا زَعَمْتُمُوهُ دَلِيلًا عَقْلِيًّا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ Donc il dit quoi ? Vous vous êtes permis à vous-même de refuser certaines sifat. Et cela en prétendant des adillah, vous basant sur des adillah basés sur le aql. Et vous avez interprété les adillah pris des textes. Donc pourquoi vous nous interdisez à nous d'agir de la même façon dans notre procédé à nous ? Notre pensée, nous aussi pareil, on voit mathalène qu'on a refusé des sifat parce que le aql ne les accepte pas. Et les adillah qui sont dans les textes, dans le Coran, dans la sunna, on les a interprétés aussi. On a fait la même chose que vous. Donc pourquoi vous avez le droit de le faire et on n'a pas le droit de le faire ? فلنا عقول كما أن لكم عقولا فإن كانت عقولنا وعقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. Donc il dit, si jamais vous avez des raisons, vous jugez avec vos raisons, nous aussi on a des raisons. Donc si jamais vos raisons sont sur la vérité, pourquoi les vôtres seraient sur la vérité et les nôtres seraient sur le faux, ou le contraire? D'accord ? Car vous n'avez rien pour pouvoir nous réfuter, si ce n'est quoi ? Vous suivez les passions. Donc en fait, ils leur répondent avec le haq. C'est-à-dire les Jahmiya ou les Mu'tazila réfutent les Asha'ira avec des arguments plausibles. Dit dans votre logique, comment vous fonctionnez, et bien nous, on peut répondre aussi. Mais par contre, tous ensemble réunis ne peuvent récuser les gens de la Sunna. Et les gens de la Sunna peuvent les récuser tous. Le seul, par exemple, c'est tous d'emblée. Mais eux, entre eux, ils peuvent se récuser. Mais leurs accusations, elles auront des limites. À un moment, ils seront bloqués. Tous. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas sur le haq. وَهَذِي حُجَّةٌ دَامِغَةٌ وَإِلْزَمْ صَحِيحٌ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ لِلْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ وَلَا مَدْفَعُ لِذَلِكَ وَلَا مَحِيصُ عَنْهُ إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف تنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Donc comme on vient de le dire, les hujaj, employés justement par les Jahmiya et Mu'tazila contre les Asha'ira et les Zalika, ce sont des hujaj qui sont solides. D'accord ? Elles sont solides, plausibles. Et on dira à tous qu'ils n'auront aucune échappatoire face au haq, sinon en suivant la voie des salafs. Qui eux affirment pour Allah ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. On l'affirme sans faire le tamthil ni le takif. Et également sans faire le tartil et le tahrif. Et celui à qui Allah n'accorde pas de lumière, il n'a aucune lumière. En visant par là ces gens-là. Quand Allah. تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. Comme on l'a expliqué, tout معطل est forcément ممثل. On l'avait dit. Et tout ممثل est forcément معطل. أما تعطل معطل فظاهر. أما تمثيله فلينه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم تشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا. كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر وأما تعطيله فمن ثلاث أوجه. Donc maintenant, le ta'atil du mu'atil, sur la suppression, elle est claire. C'est ce qu'on appelle le mu'atil de base. Lui, c'est clair. Il a dit non, il n'y a pas cette sifat. C'est clair. Par contre, son tamthil, où est-ce qu'il est son tamthil, à son mu'atil, c'est qu'avant de faire un ta'atil, il a d'abord imaginé la chose. Il s'est fait une représentation de la chose. Et forcément, elle aura été naqis. Par exemple, s'il s'imagine qu'Allah il a une main, il s'imagine une main comme la nôtre, donc forcément, il aura tort. Donc il a fait un tartil, en premier lieu, enfin, par son tamthil, et ensuite son tamthil va lui faire peur. Donc il va faire quoi ? Il va faire un tartil du kulliya. Tandis que le tartil du mumassil, d'accord ? Le tamthil du mumassil, il est clair. Et son tartil, où est-ce qu'il est ? Il est dit dans trois points. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفات حيث جعله دلا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفات تليق بالله عز وجل. Donc lui, comme il a fait le ta'atil le mumassil, c'est que tout simplement le dalil, ce que Allah عز وجل s'est attribué comme صفات, Lui, le Attal, il l'aura supprimé. Pourquoi? Parce qu'il l'aura mis d'une autre façon. Qu'est-ce qu'Allah l'aura voulu? Et forcément d'une façon qui est réduite. Donc il aura fait un ta'til. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مما بمماثلة الله لخلقه. Également, il aura supprimé toutes les preuves qui disent que Allah n'a pas d'équivalent. Donc, il aura fait un ta'til. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. Et qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura supprimé dans Allah la perfection qui est celle-ci est obligatoire du fait qu'il aura représenté Allah par une création qui elle-même est naqisa. Qui elle-même est naqisa. On va juste faire le début de... Donc là, on a fini à Fasl, à Thalith, dans les Kawa'id sur les Asma wa Sifat. Il y avait 4 Kawa'id qu'on a pris dedans. Et là, on est dans le dernier Fasl. On va juste lire la Muqaddima de ce Fasl, qui est le plus long du web. C'est les Shubuhat. Que des gens, des passions, par lesquelles ils tentent de troubler les gens. Donc là, il va citer leur Shubuhat et la réponse. Et pareil. منها قد مرت بنا في التدمورية. D'accord. Dans le Talmudية, certaines ont déjà été prises. قال اعلم من بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهات في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. Donc les gens du تأويل, en fait c'est le تحريف. Ils ont exposé aux gens de la sunna des shubuhat par rapport aux sifat. Car ils ont prétendu que les gens de la sunna eux-mêmes ont détourné certains textes de leur apparent. Donc ils ont voulu contraindre les gens de la sunna à être d'accord avec eux également dans leur tahrif, qu'ils appellent ta'wil. Ils ont dit, si vous l'avez fait, nous aussi on l'a fait. فَقَالَ كَيْفَ تُنْكِرُونَ عَلَيْنَا تَأْوِيلْ مَا أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه ونحن نجيب عون الله عن هذه الشبهات بجوابين مجمل ومفصل. Donc il dit, comment vous nous blâmez nous de ce ta'wil qu'on a fait alors que vous avez fait la même chose vous-même en faisant l'interprétation de certains textes. Donc il dit, nous allons répondre à cela بعون الله تعالى, avec son aide à cette شبهات, par deux réponses, une qui est مجمل et une qui est مفصل, c'est-à-dire une qui est générale et une qui est spécifique. Ça c'est une tariqa qui est ma'rouf. Quand tu fais un rod à quelque chose, tu as deux voies. Une qui est générale, c'est-à-dire tu réponds à la chose dans son ensemble, et après une qui est détaillée, c'est-à-dire tu réponds point par point. Donc on va prendre maintenant juste la mujmal. Wal mufassala ba'da inshallah. Amma al mujmalu fal yatarakhas fi shay'ayn. Donc là c'est dans deux points, c'est mujmal. La réponse mujmal. Ahaduhuma alla nusallim anna tafsir as-salaf لها صرف عن ظاهرها فإن ظاهر كلام ما يتدابر منه من المعنى أو وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فإن كلمات تختلف معنى أو يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. Donc là un truc quand Zakaru Sabikon, auparavant, il avait dit qu'on accorde que parfois on a des tafsirs qui sont faits par les salafs, qui font que le texte sort de son apparent. D'accord ? Pour aller à un autre sens. Parce que des fois, comme on l'a expliqué dans le décoréda, dans le sens précédent, que des fois le kalem, lorsqu'il est attribué à un autre kalem, ou des formes de phrases, font que le sens il change. Tel mot attribué à tel mot aura une différence. Ou plutôt tel mot attribué à telle chose, ou en différence, il attribue à autre chose. Comme à Zakarna, Masalan, Al-Yad. Lorsqu'on attribue à l'être humain la main et à Allah à la main, ce n'est pas la même chose. Le sens est le même, mais la haqiqa et le kifi ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un premier point. Thani huma, annana law sallamna anna tafsirihim sarfu laha an zahiriha, فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، وإما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعموها السالف براهن وقطعيات يتوصل بها إلى النفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه عور لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, même si également on accorde que les salafs défendent le tafsir, le ta'wilat, يعني تصرف عن ظاهر النص qui amène à ce que le texte change de son apparent, ils auront un dalil pour cela. Les qara'in, parce que des fois on a le droit de le faire, des fois même c'est wajib de le faire. Donc eux ils auront cela. Et leur but eux n'est pas justement de refuser ce que Allah s'est affirmé à lui-même. Au contraire, ils veulent affirmer ce que Allah s'est affirmé à lui-même de façon qui lui convient, contrairement à vous qui voulez annuler la chose. قال واما المفصل فعلى كل نص ادعى ان السلف صرفوه عن ظاهره. Après, on va entrer là dans le Mufassal. Le numathil min amthilati italia fanabda bima hakahu Abu Hamid al-Azali an ba'd al-Hanabila wa Hanbaliya. Aya. Nam. أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بناء إصبعين من أصابع الرحمن، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. Abu Hamid al-Ghazali aurait rapporté de certains gens du mazhab de l'imam Ahmed qu'il aurait fait de ta'wil que dans trois situations, dans trois textes seulement. Premier, c'est que la pierre noire est la droite d'Allah sur terre. Deuxième, que les kouloub, les cœurs des ibad, sont entre deux doigts parmi les doigts du Rahman. Et il dit, je trouve le nafas, c'est-à-dire le secours du Rahman, venant du Yémen. Et Cheikh l'Islam a rapporté cela de, justement, de Abu Hamid al-Ghazali. Et il a dit que ce rapport est un mensonge sur l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Que cela, il n'a jamais dit cela, qu'il n'a jamais agi de la sorte, comme le prétendent certaines personnes. Ensuite, il va répondre justement à ces trois hadiths et d'autres par la suite, biznallah ta'ala, qu'on comprendra. Fil-durus al-qadima. La fumada, fa'ilawna wa alhamdulillah.